Loin sans fin, triste cette vie dans cet âme divine. Pour m'avançant, la terre me servit. Reçus sans passement de la soude, leur couvert de leur feu, de leur foudre. Recevons sa province de toujours, son histoire, sa gloire, mon vie le jour. Pour un système consommé, le sang.